Malgré encore quelques intrigues malveillantes de certains employés du Bonheur des Dames, dont celle de Bourdoncle, leur surveillant général, pour faire cesser l'influence grandissante de Denise sur Mouret et sur son grand magasin, Denise sort victorieuse. Et qui plus est, elle est nommée première au rayon des enfants. Cependant, Denise avait le triomphe paisible et charmant.